J'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de devenir une mousse au chocolat. Mais comment faire pour y parvenir? C'est là que il y a des termes qu'on peut utiliser avec beaucoup de difficultés. En disant, ben, c'est là que le bas blesse, je ne suis pas une mousse au chocolat. Bon. C'est bien certain que quand tu me regardes dans le miroir, ma petite Gaétane, j'ai l'air d'un hurluberlu. Mais loin d'une mousse au chocolat. Alors, j'ai quand même travaillé sur la stratégie, comment le devenir. Hein? Ça, c'est mon but à atteindre. Dans toute ma vie, j'ai voulu atteindre un but. Plusieurs buts. Après ça, ben, tu modifies et tu tentes une autre façon de monter les strates pour te rendre au zénith. Mais moi, je suis rendu plus haut que le zénith. Si connaissez-vous, madame? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, il y a deux façons, soit oui, soit non. Il n'y a pas de « je le sais pas ». Le seul « je le sais pas », ça n'existe pas dans cette question-là. Est-ce qu'il y a quelque chose plus haut que le zénith? Discutez entre vous, là. Vous avez le temps, là. Et c'est lundi. Il est tôt ou il est tard, dépendant. Minuit une. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus haut que le zénith? Eh bien, écoute-moi, mon petit Réginal. Moi qui écoute ton émission assez régulièrement, je trouve quand même que depuis quelque temps, tu te diriges dans la meilleure saveur de tes propos, pour ne pas dire l'extravagance même de ta stratégie du départ, c'est-à-dire trouver des termes pour monter des idées qui semblent farfelues à l'origine rapidement comme ça si tu y réfléchis pas comme n'importe quel marteau. Là, c'est le marteau, est-ce qu'il peut... Crois-tu que le marteau réfléchit? Oui! Il réfléchit, oui. Il faut donner quand même ce qui est Hortense. Toutes les Hortenses du monde le comprendront. Il faut donner à Hortense ce qui est à Hortense. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette petite Hortense d'amour-là qu'on adore, qu'on embrasse partout? Elle veut l'authenticité, la vérité. Donc, vous voulez savoir, est-ce qu'il y a quelque chose plus haut que le zénith? Oui. Il n'y a pas deux plans, là. Il n'y a pas peut-être. C'est le firmament. Je vais directement, le firmament. Là, après le firmament, là, il y en a de l'espace. Là. Tu peux en mettre des choses. Là. Le firmament, c'est infini. Dans l'infini, il y a tout. Tout. Ça va loin, l'infini. Ça va partout. Ça va loin. Ça va plus que loin. Ça ne peut pas ne pas aller de l'avant. Alors, je me suis dit, dans ma façon de vouloir devenir une mousse au chocolat, que dois-je faire? Hein, rapidement, là. On ne restera pas 2 heures là-dessus, mais je vais vous raconter un peu mon journal de bord. Et là, je sais qu'il y a des interrogations. Il y a des interrogations, il y a des gens qui sont en pleurs, qui crient. C'est pas vrai, il n'est pas rendu une mousse au chocolat, il ne pourra plus faire des missions. Mais non, j'en suis une mousse au chocolat actuellement. Et je continue à animer avec brio. Quand tu dis brio, là, je veux pas rester entre la mie et la crème, moi, là. Parce que dans un gâteau au chocolat, bon, peut-être que vous vous intéressez pas toi apporte la musique de Drogé. Hein? Drogé Giguère, son nouvel album. Chante-la ta mélodie en trois variations. Variation silencieuse. Variation absente et variation à rechercher. Tous les trois, quand tu les fais jouer, il n'y a pas de son. Mais ça semble comme ça. Ça semble facile, là. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué ça. Ils disent, mais oui, il y en a. Il s'est foutu de notre gueule quand tu places ça sur ta platine, tu presses sur jouer. Parce que moi, tous mes boutons sont en français, moi, là. J'ai retravaillé mes équipements sonos pour que je me sente à l'aise. Il faut que je sois à l'aise chez moi. Chez moi, c'est le Québec. Le Québec, c'est le francophone. Ça, c'est la francophonie. C'est pas d'autres langues. Bon, on peut parler dialecte québécois. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est le français dialecte québécois. Et comme je fais une émission qui visse au plancher, sans jamais, ben, en tentant de se lever quand même à l'occasion. Mais en n'y parvenant pas, le but, c'est de ne pas y parvenir. Il faut te visser au plancher, il faut que tu restes collé. C'est comme la chaise électrique. Une fois que c'est parti, tu peux plus te lever. T'aimerais bien ça, mais... Tu stresses de partout. Là. C'est comme 30 secondes avant d'ouvrir le micro des rances rénaldiennes, t'es le même. Là. T'as peur. Puis moi, quand j'ai décidé de devenir une mousse au chocolat, c'est depuis mon enfance, je suis venu au monde, je suis sûr que c'était pas dans le bon corps. Mais dis ça à tes parents, le moment. Maman, j'ai quelque chose à te dire, maman. T'as 4-5 ans. Le moment. Moi, je voulais pas être rénal gagné, maman. Là, ta mère, voyons donc, comment ça? Ben, je voulais pas être rénal gagné, maman. Hey, tu me troubles, là. On va aller voir le curé ensemble. On va essayer de discuter pour voir où est ton chemin devant Dieu. Ah non! Là, je la suivais par en arrière. Non! Allez, avez-vous cloné une brebis? Allez, non, c'est mon fils. C'est moi. Il se pose des questions. Il devrait se reposer au lieu de poser. Il se pose des questions sur tout, sur rien. À 6 ans, il m'a demandé quel est le chemin de la vie, quelle est la direction de la vie, comment, pourquoi vit-on, pourquoi on meurt. Ah, mon dos. Le pire, c'est que c'est vrai. Poser des questions de même à ma mère, voyons donc, là. Amuse-toi, là. On m'a donné une petite gomme balouane. Une bazooka. Hein, ça n'existe plus aujourd'hui, bazooka. On peut dire, hein, c'est pas de la publicité, ça existe. Ah oui, ça existe. Oh, je viens de faire de la. Bon. On va te donner une gomme à mâcher. Mange, puis arrête de réfléchir. Fais comme les joueurs de baseball. Ça réfléchit pas, ce monde-là. Ça... Les joueurs de hockey, ils sont là après la rondelle. Ils réfléchissent, là. Malawa, la rondelle. Pas demain, à soir. Malawa, la rondelle. Lui, à 5-6 millions par année, ça, c'est rien, 5-6 millions. Là, c'est un joueur qui rentre à peu près 30 buts par année. Bon. C'est pas un exact. Il sera pas dans le Guinness, lui, là. Il sait. Il est plafonné. Il est content d'être plafonné. Son salaire l'est aussi, mais à 7,5 millions, il trouve que c'est un plafond où on peut avoir du plaisir. Hein? C'est du velours au-dessus, là. C'est pas de la rip, là. Puis c'est pas aussi de la feuille... comment t'appelles ça? De la feuille sablée. C'est pas sablé. C'est tout doux. Tout doux. C'est doux. Les dollars lui flattent le front, puis la tête. Puis il perd la tête avec ça. Les billets lui font perdre la tête. C'est quand même assez incroyable, là. C'est pas le premier que l'argent, ils vont tuer pour de l'argent. Je tiens à dire à toutes les femmes ce soir, les filles, en tout cas, les dames, les demoiselles, genre féminin, OK? À tout le genre féminin. Si vous vous rendez compte, cette semaine, on débute la semaine, là, je vais vous mettre peut-être sur une piste. C'est important, c'est intéressant aussi. Peut-être ce soir, à cette émission-ci, je vous sauve la vie. Rapprochez-vous de votre radio. Je ne peux pas parler de ça trop fort. On est assez près, là. Votre oreille. Oh, vous avez une belle oreille, mademoiselle. Ah oui. Il y a de la propreté là-dedans. Je ne crierai pas. Non. En plus, on voit que ce qui retient le son ou ce qui nettoie un peu les vibrations, c'est le poil. Et vous avez un poil tout à fait luisant. Vous êtes reluisante, vraiment, vous avez l'oreille universelle. Alors, je tiens à vous dire, si votre compagnon, au pire, votre mari, c'est un compagnon, c'est pas si mal, là, vous n'êtes pas marié, moi. Mais si votre mari a changé votre assurance vie, signez pas, s'il vous plaît, signez pas, vous mettez dans la schnatose, vous allez le regretter jusqu'à la fin de vos jours, puis il ne reste plus grand temps, là, hein? La fin de vos jours, là, c'est peut-être 3, 4 heures, 5, 6 heures, signe pas, c'est un signe de ne pas signer. Quand le signe, c'est de ne pas signer, si tu signes, ben tu veux te suicider, c'est ton arrêt de mort. Ah, moi, cette semaine, non, je sais que mercredi, je dois faire du pâté chinois. Je réussis jamais ça, du pâté. Ça me dévalorise, moi, là. Quand je vois que le maïs en crème vole sur le dessus, là, puis on me dit, c'était pas ça, c'est steak, blé dingue, patate. Pas steak, patate, blé dingue. Le blé dingue doit être entre les deux. Elle n'a jamais compris ça, mais en tout cas, elle essaie de comprendre bien des choses dans sa vie. Là. Quand elle a commencé, elle, dès sa naissance, quand sa mère l'a... Non, je ne veux pas vous... trouver des mots blessants, mais la mère expulse. Bon. T'sais, on dit expulser, expulser, madame, expulser, expulser, expulser. Il n'y a plus de liquide amniotique. Sinon, elle ne pourra pas manger à sa faim. Ah non, on va être obligé de l'envoyer. On va là. Parce qu'il nous reste des coupons. On va là. OK. Parce qu'elle à peine la tête, là. Elle a l'air à vouloir rentrer. Si elle ne mange pas à sa faim, une semaine plus tard, c'est sûr, elle va être plus maigre. Elle va sortir, mais après, on l'envoie en Éthiopie. Nous autres, on ne la garde pas au Québec. Ça fait une mauvaise image pour le Québec. Nous autres, on veut des belles grosses filles heureuses, là. Ils viennent de voir le jour, là. Puis ils ont des petits yeux ronds, puis ils te regardent. Voilà, on veut pas avoir. Ah non, c'est pas très beau pour notre. Parce qu'on fait des vidéos cartes postales pour nous envoyer un peu partout dans les pays riches. Histoire de venir voir le Québec, c'est merveilleux! Hey! Venez voir nos igloos en plywood! Venez voir nos femmes au silicone! Venez voir nos hommes où on a retiré, mais avec grande dextérité, toute matière grise sont là, devant la télévision. Ils comblent le sélecteur. Ils émanent un son. Puis on croit bien que l'année prochaine, on risque de réouvrir la calotte pour enlever la veine qui fait le parce qu'il y a c'est un cocu non, c'est pas un cocu. Ben en fait, il va l'être après là. Mais c'est une concomitance entre l'esprit et le cri primal. Puis là, il est rendu dans le cri primal. Parce que de un, c'est pas son poste ou il trouve pas de poste lui. Lui ce qu'il veut c'est des crimes. Pour élucider lui-même le crime. Elle a tué en prison. C'est à peu près ça. Il veut pas voir des films trop compliqués. Lui, Woody Allen. Non, c'est noir et blanc. Pour lui, un film, ça doit être en couleur. HD. Film récent, là. Tu sais, si tu peux lui donner un 2022, il serait bien content. Mais ça me donne un nouveau film. Hein? Hey, c'est impossible, on est en 2019! On va me prier pour un imbécile! Non, c'est un film. C'est un des premiers films que l'on réalise, que l'on appelle film projection. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans les structures numérisées, mais c'est dans la psyché du réalisateur que tu vas voir le film. Hey! C'est pété, ça! Pété, oui, mais pète pas le. Non, c'est en plastique, hein? C'est juste un démo, c'est pour vérifier si ça fonctionne. On te le prête pour voir le film de 2022. C'est 2022 qu'on t'a mis là-dedans. Le prochain film de. Qui? De qui, mon chanceux? Je sais pas. Sylvester Stallone. Hey, mon acteur préféré, Sylvester Stallone! C'est pas Rambo 17! Rambo 17, non, parce que si tu sais pas, là, Sylvester Stallone va mourir en 2020. Il était en train de tourner le film. Excuse-moi, en 2022. Il était en train de tourner le film. Et pendant le film, malheureusement, le fusil était chargé. Ce n'était pas des balles à blanc. C'était des balles au noir, tu sais. On y avait passé des balles au noir. Je dis, regarde pas ça, là. Mais rentre ça dans le fusil. Pose pas de questions. Puis là, quand tu vas arriver devant. Parce que c'est un film avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Deux grands génies. Là, ça en prend deux pour en faire une. C'était deux veilleuses, là. Mais ils veillent tard. Ils sont bien heureux. Ils sont heureux. Frappe-le! Non, c'est. Conscience, l'inconscient collectif est là. C'est. En fait. Ça représente avec fierté les États-Unis d'Amérique. Les deux. À la fois. Non, ça, c'est l'hymne national. Attends, c'est quoi l'hymne des États-Unis, là? Hymne des États-Unis. Ben voyons donc, toi, j'ai un blanc. Parce que je me rappelais du hockey, moi. Je commence à devenir, moi aussi, hein. Sentez-vous le. Oui, c'est le déséquilibre. Pour descendre, il faut être déséquilibré. Mais pour remonter, on peut l'être aussi en déséquilibre. On monte, on descend, on monte tranquillement. Arrête, non, laisse pas celle-là. Attends un peu. Je l'avais tantôt. Non, ça, c'est l'hymne des Canadiens anglais en se cherchant la roubignole. Mais c'est... Oh! On n'a pas l'hymne national des États-Unis, mais on a l'hymne national de l'errance rénaldienne. Aujourd'hui, le lundi Ips 14, hein, c'est l'anarchie, 14 octobre 2019. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. On va ramasser. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! I'm ready, man! Sometimes when I know you're lonely, sometimes when I know you're lonely, sometimes when I know you're glad, I said every day I cry. As a matter of fact, everybody does. I think if you're a woman, and if you're really a woman, you already know what you need, man. You already know what you're looking for. Man, I found out at 14 years old. And I've been looking ever since, too. But if you have to be a young cat, you know, like about 17 years old and about this tall, right? You have to be a young cat, man, and you ain't figured it out yet. I'll tell you what you need, baby. When you get those strange thoughts in your head, you don't know where they came from, man. You got those strange little weirdnesses happening to you, you don't know what they are. I'll tell you what you need. You need a sweet loving mama bear. And a sweet talking mama bear. You need a sweet loving mama bear. And a sweet talking mama bear. You need someone to listen to you, someone to want you, someone to hold you, someone to need you, someone to use you, someone to want you, someone to need you, someone to hold you, someone to want you, someone to hold you. You need my mama, mama, mama, mama, mama, babe. Lord, my mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. And the world they be light, and the world is it, and the world they will be right, the world is red, and the world is red, red, and the world is red, and the world is red. Pour être une mousse au chocolat. Pour être une mousse au chocolat, moi, Reynald Gagné, lorsque j'ai vu le jour apparaître par le sexe de ma maman, je me suis rendu compte que je n'étais pas chez nous. Là. Je ne me sentais pas à l'aise. J'avais deux bras, deux jambes. Je n'étais pas rond, je n'étais pas crémeux. J'étais crémeux, oui. J'étais crémeux après quelques jours. Ah, je te faisais de la belle. J'avais déjà le charme de la mousse au chocolat. J'en faisais de la mousse, moi. C'était pas au chocolat, mais j'en faisais de la mousse. J'ai commencé déjà à péter de la bouffe. Puis là, ma mère a dit, oh mon, hey, il est drôle. Mais dans ma tête, hein, je me dis, oh, j'étais déjà évolué dans ce temps-là. C'est en vieillissant que je pénètre dans les interstices de l'inconscient collectif québécois. Mais la mousse au chocolat, je dis, faut que je... Même, j'ai posé ma question, à 6 ans, je vous l'ai dit, j'ai posé la question à ma mère, pourquoi je ne suis pas une mousse au chocolat? Ben là, elle dit, parce que t'es un garçon enjoué, rigolo, presque intelligent. Et oui, mais maman, moi, vous avez dit le mot dans le colon. Et en vieillissant, vu que personne faisait en sorte, ben, on voulait pas m'écouter, on me prenait pas au sérieux. Je regarde donc, hey, comment un être humain peut devenir une mousse au chocolat? Alors, moi, j'ai comme rédigé ma façon d'atteindre mon firmament. Pas le zénith, le plus haut firmament. Si vous avez écouté l'émission, vous allez tout comprendre les autres. Mais faites du rattrapage à l'école. Je vous conseille, là, lâchez le collégial. Quoique c'est... Non, lâchez le collégial si vous y êtes. Restez-y. Parce que c'est un endroit où on peut expérimenter. Moi, j'ai adoré mes cours au collège. Surtout enfant. J'allais dire quelque chose que j'aurais dû m'expliquer. Non. Création, en philosophie, j'ai eu un français, j'ai eu un professeur de français, c'était pas un français, c'était un Québécois, mais qui m'avait pris là, sur son aile, puis son fils était parti sans lui dire, donc il avait fugué. Puis il voyait en moi là, un peu le fils qu'il n'avait pas. J'avais un cheminement particulier, il n'y a rien de sexuel là-dedans, mademoiselle, non, mais un cheminement particulier dans mon cursus collégial en français. Non, parce que... Non, là, vous allez dire, ouais, t'as de la misère à t'exprimer, hein? Les mots viennent pas tout seuls. Ah, non, ça vient pas... Non. Mais ça vient... ça commence le vendredi, hein? Le discours, ça te met en bouche le vendredi. On dirait que ta bouche, hein, s'articule et se muscle pour toute la fin de semaine. Et le dimanche, à 23h59, flanc! Parce que tu sais que c'est lundi, puis lundi, t'haïs les lundis. Lundi, on dirait, j'ai un bouche collée, je sais pas quoi. J'ai un coup de pleurer, je vais me réveiller jeudi. Mais là, quand je suis arrivé, moi, ici, sur la planète bière et terre et bière, priez pour nous, pauvres mincheurs et minceurs. Mais quand t'es une mousse au chocolat, tu te fous de l'émincement. Alors, je me suis fait une stratégie afin de devenir ma mousse, devenir une mousse au chocolat. Je dois, ça c'est important, là, si vous êtes aussi, vous avez des rêves, je me décroche le micro si ça ne vous dérange pas. Il y a quelle heure? Oh non, il me reste encore une belle quinte. Oh, il me reste du temps. On va parler de mousse au chocolat. Alors, c'est donc, je dois me faire admettre parmi eux. Ben, parmi elles, parce que c'est une mousse parmi elles. Je dois me placer sans gêne face à une mousse au chocolat et commencer à dialoguer. Mais là, il n'y a pas de mot qui peint. Non, c'est une mousse. Donc, c'est les ondes, hein, et les structures sonovipares. Beko a chanté ça, là. On prend toujours une mousse pour quelque part. Une mousse crémeuse, une mousse sucrée, une mousse légère. Tout le monde ensemble. On prend toujours une mousse pour quelque part. Au bout de l'assiette, près de la cuillère. Le doux crémage. Alors, je devais me confondre à une mousse au chocolat, me placer devant elle, comme je le disais tout à l'heure, et rentrer en communication avec. J'ai pas eu de problème. Juste mon regard. La mousse fondait. Là, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. On va rentrer dans mon rêve assez facilement. On va atteindre mon but. Puis là, ben, il y a mon ancienne copine. Justine, qui me dit, ben c'est certain qu'elles font. On est au mois de juillet. Il fait 45 degrés à l'ombre. Oh, ça fait 4 jours, là, on est en... Quand t'as tapé ça, donc on, la calotte nous fond, on est en train de... Puis ta mousse, ça tient plus, elle descend. Là, je dis, hey, wow, tu connais rien là-dedans. Il y a une communication entre nous. Il y a quand même, là, une interrelation que je sens intense. Il dit, hey, complètement. T'as-tu pris ta petite médication de la semaine? Non. Comment ça, t'as pas pris ta petite médication? Celle du lundi matin? Non. Du mardi après-midi? Non. Du mercredi soir? Non. Du jeudi après-midi? Non. Du vendredi en fin de matinée? Non. Le samedi toute la journée? Oui! Et puis donc, faut pas se sentir mal à l'aise devant quelque chose ou quelqu'un qui nous semble un peu autre que nous. Faut que tu rentres dans un endroit en ayant l'air de tout comprendre, de tout saisir. Tu sais, le gars qui a un rouleur, tu sais, c'est pas quelqu'un là, qui met du tabac ou de la chicha ou de la pipo ou de la Justin Trudeau puis qui roule. Non, un rouleur. C'est, tu marches en roulant, les épaules roulent, les bras roulent. Hein, puis là, tu as presque le goût de rapper, mais tu dis, si je rappe, comme tous les rappeurs, m'a dérapé. Faut que je reste moi-même, rester soi-même, une mousse au chocolat. Et après ça, quand j'ai senti que la mousse, moi, rentrait en liaison avec moi, j'ai dit, OK, on va voir si c'est vrai. Alors, je suis invité 2 jours plus tard, entre amis, pour casser la croûte. Et j'ai dit, amenez pas de dessert, je vais vous faire une surprise. Là, on a bien mangé, c'était du spaghetti. Du bon spaghetti, j'adore ça, tu sais, avec la boulette, là. Pas la petite boulette émiettée, tu sais même pas si c'est de la viande ou si c'est un morceau d'oignon, là. Non, la belle grosse boulette, quand tu la fends, elle est rosée à l'intérieur, mais à peine rosée. C'est merveilleux. Nous jouissions. Et quand on jouit, nous, on a du plaisir. On est des rares à jouir, puis en ayant du plaisir en même temps, on est comme ça. Puis, on a vidé notre aille, on léchait tellement propre l'assiette là, à la fin du repas, là, on aurait pu facilement le replacer dans le vaisselier. Mais on s'est fait une petite gêne, là, il y a Gaétan, hein? C'est un peu hautaine. C'est pas selon le décorum, ça, lécher des assiettes. C'est pas beau, c'est pas propre, puis c'est pas esthétiquement acceptable. Esthétiquement acceptable. T'as-tu du plaisir quand tu lèches ton assiette? Non. Ah non, au niveau de l'éthique, j'ai pas de plaisir. OK, moi, j'ai pas d'éthique. Quand je la lèche, j'ai un plaisir fou. Est-ce que je peux avoir mon plaisir fou? Non. Non, tu vis en société, il y a une façon de faire pour toute chose. Hey, là, j'ai repéré. Sur ma liste, je l'ai piffé. Je dis, on va garder pour ce soir, là. Mais on la réinvite plus. Ah non, ça fait partie... d'une certaine race que l'on appelle les puristes. Et les puristes doivent rester entre eux, histoire de s'envoyer de la purée. Ah, c'est bien, là, ce nom. Au 18e siècle, la cuillère était à 3 cm du plat. Aujourd'hui, tout est mal proportionné, tout est mal stylisé, on se sent un peu dépourvu. Fait que là, t'es place avec ce monde-là. Pendant une soirée, ils vont avoir un plaisir fou à placer le couteau. Ah, le couteau, oui, c'est le signe que l'avion est prêt. Toute la... Bon, une débilité incroyable. Ils aiment bien ça, les autres, entre eux autres. Fait que là, on va garder, mais on va l'éloigner un peu pour pas qu'elle nous emmerde. Là, j'arrive. Là, j'arrive. Je me suis dit, ils vont dire, hein, c'est la mousse au chocolat, en me regardant. Parce que je t'ai rendu le mousse au chocolat, moi, là. Ah, j'avais pas encore. Ah, non, j'avais quand. Non, pas encore les opérations. Ah, non, j'ai pas osé encore les opérations. Non, mais j'ai peur, moi. Tu sais, un bistouri, là. Puis surtout, l'aiguille. C'est la première fois que je dis surtout, hein, c'est pas pire. L'aiguille. Pour, ouais, pour un sommeil profond, là. Je dis, ah, enlevez-moi l'aiguille, pas de besoin de ça. Placez-moi du Céline Dion, m'a devenir agressé, vous allez me frapper. hein, avec un bâton de baseball. Et je vais m'allonger sur mon long. Là, vous allez pouvoir procéder à votre opération et me modifier en ce que je veux être depuis ma naissance, c'est-à-dire une mousse au chocolat. Là, j'ai, quand je dis ça, j'ai encore une petite émotion, hein, parce que j'ai refusé de rencontrer des psychologues. Je me suis dit, non, je suis capable, je suis autodidacte. Et puis la mousse, elle va apprendre à devenir moi. Puis, tu sais, ça commence comme ça, tranquillement. Alors, je me dis, aux convives, hein. Il y en avait des convives. Oh, plus de convives que ça, tu te dis, Colin! Hey, Diane! Terre-Neuve est rendue dans mon salon! Et puis, Terre-Neuve est rendue dans mon salon. Je me présente devant les convives. Puis, il me dit, la belle mousse au chocolat! C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère. Si au moins j'avais un canif. Je vous fais porter une brioche fourré avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur. Dans la purée, pas de grumeaux, seulement le chalumeau. 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Un vilebrequin dans le ragoût, ça lui donnera du goût. Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte. Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Je cherche sans y parvenir une position pour dormir. Aboie le chien, ulule la chouette. Je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vaut le détour. Une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours. Pourvu d'un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat. Bonne à manger, pas pour le lucre. Je les cacherai pas sous mon matelas. Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche. 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur. Dans la purée, pas de grumeaux, seulement le chalumeau. 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Un vilebrequin dans le ragoût, ça lui donnera du goût. Mais le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte. Et avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Pour faire rapidement, j'étais devenu une mousse au chocolat parce que j'avais suivi mon plan d'origine qui était devenir une mousse au chocolat. Donc, je devais me faire admettre parmi eux, parmi elles, afin d'avoir leur confiance et me métamorphoser, voire même m'incarner, me transformer en ce dessert des plus sublime. Et ouais, bang, boom, couch, pills. It was the right answer in the wrong quiz. It went ouch, boom, damn that thing. It made my heart ache and my mouth sing. It was on the one cloud number nine. Made me crash back down like a satellite. It went bing, booch, bow, blow. There had been a warning for the summer snow. It went boom. As you're in its throes, when it eyes you with a judging gaze, and an attitude that hasn't slept for days. Your barroom days are over, man. Membership expiring. Trying to catch what you can. Baby, feed my laisser s'asseoir. Il y a du rock and roll, laisser s'asseoir. La chanson est finie, monsieur. Il est tellement stressé que même quand c'est arrêté, il tremble tout seul. Ouais, d'accord. Merci. On s'arrête ici. Monsieur, à trois, OK? Comme je disais, un, deux, trois. Vous, à l'envers, là, je vais dire un, deux, trois, go. À go, vous arrêtez, OK? Un, deux, trois, go! Ça, c'est un vrai... Ça, c'est un gars que j'admire. Il a le sens de la temporalité. Il a le sens du respect d'une émission qui vraiment est la meilleure depuis Belle Lurette, la Luron, la Lurette, Belle Luron, la Larry, les Longs. Tu veux que je la chante? Moi, te la chanter, moi. Je la connais pas, mais moi, te la chanter, moi. J'ai le goût de te la chanter, même si je la connais pas, moi. Hey, attention! Depuis que t'es devenu une mousse au chocolat... Hey, t'es jaloux, toi, hein? T'essayes de devenir quelque chose, t'es pas capable? Hey, capable, pas capable! Pas capable, c'est pas dans le dictionnaire! Oh! Mes souliers de papier sont tout percés. Aïe! J'ai tant mal aux pieds, je ne peux plus marcher. Voudrais-tu, cordonnier, réparer mes souliers? Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur les grands clous. Il pose un fer et perce un trou. Bang! Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur le grand clou. Il travaille comme un fou. Mes souliers de satin sont tout percés. Oh! J'ai tant mal aux pieds, je ne peux plus danser. Voudrais-tu, cordonnier, réparer mes souliers? Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur le grand clou. Il pose un fer et perce un trou. Bang! Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur le grand clou. Il travaille comme un fou. Mes souliers de coton sont tout percés. Aïe! J'ai tant mal aux pieds, je ne peux plus courir. Voudrais-tu, cordonnier, réparer mes souliers? Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur les grands clous. Il pose un fer et perce un trou. Bang! Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur le grand clou. Il travaille comme un fou. Mes souliers à ressort sont tout percés. Aïe! J'ai tant mal aux pieds, je ne peux plus sauter. Voudrais-tu, cordonnier, réparer mes souliers? Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur les grands clous. Il pose un fer et perce un trou. Bang! Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur les grands clous. Il travaille comme un fou. Mes souliers de velours sont tout percés. Oh! J'ai tant mal aux pieds, je ne peux plus dormir. Voudrais-tu, cordonnier, réparer mes souliers? Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur les grands clous. Il pose un fer et perce un trou. Bang! Et le cordonnier travaille, tip, tip, tip, sur les petits clous. Tape, tape, tape sur les grands clous. Il travaille comme un fou. C'est où? C'est où? C'est partout. Partout? Ben partout. Partout où tu vas, je serai. Oh. Oh. Oh. Je sais pas si c'est bon, ça, là, ce que tu viens de dire. Ben, hey, tout ce que je dis est bon, mais tu peux jeter ce que tu veux. Ah. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie. Tu prends ce que tu... ce qui te plaît. Tu le gras, le maigre, la sauce, le sec, le brûlé, c'est toi qui décides. Tu m'as l'air tellement brûlé depuis, depuis Bellulon, la lurette, Bellula, la lurette, Bellulon. Ouais, mais ceux-là, là, ces caracettes-là, ça fait pas des beaux spectacles. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais c'est sur Internet. Hein. Quand je les ai reçus, j'ai branlé ça. J'ai dit, oh mon dieu, ça donne pas une belle branlette. Hein, ça... Tandis que ça, c'est. Ah, mais ça, c'est un branleux professionnel qui me l'a donné. Maintenant, il me l'a pas. Pendant le radioton de CKRL, il l'a échappé. Là, j'ai envoyé un courriel à Stéphane. J'ai dit, Stéphane, t'as échappé en dessous de la table une caraquette. Et il me dit, je te la donne. Je dis, voyons donc. Il dit, oui, puis en plus, je l'ai pris pour un spectacle. Puis ça fait partie de mon troisième album. Hein? Alors, j'ai entre les mains une caraquette qui a été utilisé par cet artiste extraordinaire qui a vendu 1,8 million d'albums. Je pourrais vendre ça aux enchères, mais on me l'a donné, je ne profiterai pas. Au niveau monétaire, jaillit l'argent. Tu sais ce que ouais, moi, je suis comme, exactement, je suis comme lui, moi. Tu sais ce qu'il a fait? Il est descendu de l'arbre. Il a tout donné ses biens, il est remonté dans l'arbre, il dit « Ok, je peux-tu y aller? » Il dit « Viens-t'en. » Puis il a suivi les autres. On vient de parler de Zaché. Non, je ne suis pas en train de me transformer en Zaché. Moi, mon seul but dans la vie, c'est je l'ai accompli avec grand brio. C'est ça qui m'a plu, moi. J'ai vécu, j'ai franchi. Je suis devenu une mousse au chocolat. C'est beau. Que dire de plus là-dessus? Même le silence, c'est d'accord. On va y poser la question. Es-tu d'accord? Aujourd'hui, tu pensais que ça allait tomber, là, de la musique. Là, voilà. Aujourd'hui, le lundi 14 octobre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes, ouais, présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami Bertrand Belin pour la deuxième fois. J'allais dire le deuxième soir, mais c'est pas vrai, c'est la deuxième semaine, donc la deuxième rencontre, la suite de la fuite, comme je dis souvent. Laissons l'artiste nous parler de son univers. Bertrand Belin, à toi. te dit qu'il faut y aller. Quand il fait bon et clair, laisse le feu, il s'éteindra. Un rond noir dans la neige, on est passé là, on est passé, quelqu'un se dira. Cette fois, il sera long, rigoureux, long. Le froid s'installe, il casse la table en deux. Une partie là, l'autre pour le feu. Tu passais cette touche, ça vous touche quelqu'un, je t'ai pas vu depuis le jour du couteau. Du couteau dans le givre. Du couteau dans le givre. Y a pas idée. Ce jour-là, pour toi, j'ai gardé du gin. Et toi, tu rentres, tu hurles, puis tu m'embrasses. Et puis tu dis, allez sans but, c'est fini. Allez sans but, c'est fini. Quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. Vivant, vivant de corps et d'esprit. Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Puis se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs. Puis se reposait. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul. Alors, tu rappelles souvent, je m'en vais en tournée, veux-tu m'accompagner ou oui? J'ai un album à faire. Est-ce que tu prends souvent les gens de studio pour venir sur scène ou si tu as vraiment une équipe studio puis une équipe scénique? L'album, on l'a fait à trois. Hein. Ouais, Tatiana à la batterie, Thibaut au clavier avec sa casquette bleue là-bas. Oui. Thibaut au clavier basse et moi. On a fait l'album à trois. Il a été mixé et La prise de son est mixée par Nicolas Delbar, qui est avec nous en tournée, qui fait le son façade. Et puis les deux autres musiciens que tu vois là-bas, Julien Kingomé et Jean-Baptiste Julien, ce sont deux musiciens qui n'ont pas participé à l'album. Okay. Julien était sur la tournée précédente aussi, il n'avait pas non plus participé à l'album d'avant. J'ai fait la tournée avec Julien à la guitare, mais quand j'ai fait mon dernier album, je ne lui ai pas demandé de venir jouer sur l'album. Pourquoi ? Parce que je joue moi-même de la guitare et que... Ok, t'as voulu occuper cet espace-là toi-même. Bien sûr, oui. Mais par contre, c'est un très très bon musicien et sur scène, j'ai vraiment besoin qu'il soit là, quoi. Donc je l'ai rappelé pour la tournée, bien sûr, évidemment. Mais il y a un noyau dur quand même dans le groupe qui peut très bien s'élargir. Et je pense qu'avec Julien, s'il est d'accord, on fera beaucoup de tournées ensemble. Mais bon, sur les albums, il n'y a pas beaucoup de guitare d'ailleurs sur ce dernier disque. Mais sur ton dernier disque, on remarque que les chansons sont quand même assez concises, assez courtes. Il n'y a pas... Les textes sont concis, mais les chansons, elles font 3-4 minutes. Mais le texte, effectivement, excuse-moi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as voulu, comme je te disais tout à l'heure en début de rencontre, reprendre les mêmes mots, redistribuer les mêmes mots dans la chanson pour faire une sorte de... C'est déjà un peu présent dans mon dernier disque, dans mes deux derniers disques d'ailleurs. Effectivement, on sent vraiment... C'est une tendance plus générale que n'y paraît, quoi. Oui. Parce que ça suffit, il n'y a pas besoin de faire des discours. Je laisse les discours aux gens dont c'est la passion, quoi. Moi, j'écris des livres aussi. Si je veux écrire plus que 4 mots, je peux. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais moi, j'aime bien. Dans les musiques traditionnelles, dans les musiques à danser, des peuples divers qu'on peut rencontrer sur la planète, il y a beaucoup cet art de la chanson avec peu de mots. C'est une musique qui sert à célébrer un mariage, les moissons. La mort, et qui ne comporte que très peu de paroles, mais qui sont largement suffisantes, quoi. À ce titre-là, la musique cajun m'a beaucoup inspiré. Ah oui, c'est vrai. La musique de la Louisiane francophone. Okay. Parce que dans les chansons, il y a très peu de choses, et ça suffit largement à faire histoire et à faire somme, et à stimuler l'imagination. Puis la musique est assez festive aussi. Oui, alors il y a cet aspect-là aussi, oui. Ouais. À défaut d'être festive, elle peut être divertissante, ou émouvante. Mmh. Mais en tout état de cause, il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Si j'écrivais pas de livre, je serais tenté peut-être d'écrire des textes plus longs, et de déployer des préoccupations, mais bon, j'ai la possibilité de le faire ailleurs. Mais dans l'écriture, qu'est-ce qui te dit au début, bon, ça va se terminer en chanson, l'autre va se terminer en... Non, rien du tout, non, ça se passe pas comme ça. Non. OK. J'ai pas de destination, je me fiche de ça. Quand il n'y a pas un texte, je dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? J'écris, quand j'écris pour de la musique, je sais très bien que je suis en train de le faire, à partir de zéro, quoi. Voilà, j'écris pour une chanson, ça risque pas de devenir un texte littéraire. Et on te retrouve aussi avec d'autres chanteurs ou chanteuses, comme là, Bozy, elle vient de sortir un album, Le Cheval Fou. Qui ça? Bozy, Buzy. Ouais. Ah, t'es au courant de ça? Ben oui, je la rencontre. Ben oui, c'est une amie à moi. Ah bon? Ben oui. Et t'as chanté dans son album, une chanson? J'ai fait les chœurs sur une... Ben, j'ai fait la musique... Les baleines, je crois, ou vont mourir les baleines. Exactement, hein. Mais comment ça se passe? Pourquoi elle t'a approché, Buzy? Bah, faudrait lui demander à elle. Si ok, je vais lui demander, effectivement. Mais je veux dire, c'est elle qui t'a appelé. Enfin, elle a demandé à un musicien français qui s'appelle Yann Péchin, guitariste. Que je connais avec Alain Bachung. Avec Alain Bachung, oui. Que je connais très bien. Elle lui a demandé de participer à son album. Je pense qu'il l'a fait d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et puis, il lui a aussi suggéré de m'appeler. Elle m'a envoyé plusieurs textes et sur ce texte, d'abord j'ai rencontré Buzy. Je m'en rappelais d'elle parce que adolescent, je connaissais ses chansons. Les mêmes chansons que tout le monde connaît, oui. Et donc j'ai rencontré Buzy et j'ai beaucoup aimé cette personne. Et puis j'ai essayé de répondre le plus positivement possible à ses attentes. Et j'ai réussi à faire la musique sur un texte et puis elle m'a demandé de faire les chœurs dessus. Ce que j'ai fait, voilà, tout ça. Est-ce que tu fais ça souvent ou si c'est rare? J'essaye toujours, je dis toujours oui, je veux bien essayer. Ok, tu promets rien. Non, je promets rien. Je vais regarder ce que je peux faire. Ouais, parce que je suis pas un laborieux, moi. Okay. Soit ça vient pas. Ok. Après, je suis stimulé par les rencontres aussi. Hein. Buzy m'a donné envie de... De travailler avec elle. Au moins, ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire c'est pas grand-chose, mais... Mais c'est une très belle chanson. Ouais, elle est bien, ouais. Très bien. Puis on sent aussi ton... On sent un peu ta signature, même beaucoup ta signature. On sait que c'est du bonheur parce que la musique est... Et je trouve que ça va très bien ensemble. Quand tu écoutes la chanson, tu dis, ouais, c'est vraiment réussi. C'est vraiment quelque chose de très fort, très fort. Et est-ce que tu crois monter sur scène avec elle pour faire le duo ou on est loin de ça? C'est pas réellement un duo. Hein. Non, ouais, c'est les chœurs, ouais, effectivement. Ouais. Donc, a priori, je vais pas aller sur scène faire les chœurs. Voilà, oui, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Est-ce qu'on te demande aussi pour écrire? Est-ce qu'il y a des artistes qui te demandent pour que tu leur écrives des chansons ou de la musique? Oui. Ouais. Bah, c'est le cas de Buzy, par exemple. Oui, exactement. Oui. Oui, ça arrive, oui. Bah, ça arrive. Alors, je le fais de temps en temps, oui. Mais bon, c'est parfois des processus très longs. On ne sait pas si ça va aboutir, si ça va sortir. Des fois, ça sort dans un anonymat complet. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'a priori sur les chanteurs et chanteuses, qu'ils soient célèbres ou pas. S'il y a quelque chose, une rencontre qui peut enrichir l'un et l'autre, faut pas refuser. Oui, c'est vrai. Et venir au Québec, la différence entre la France et ici, vois-tu une différence ou c'est pareil? On en a parlé tout à l'heure. Là. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence de réception? Non? Bah, en France, je suis plus suivi par le public qu'au Québec. Au Québec, les gens ne me connaissent pas, ou très peu. Ouais, c'est certain, là, les amoureux de la chanson française. Ouais, mais bon, c'est très peu. Il y a 40 personnes qui vont venir ce soir nous écouter. Quoi. Non, faut rester modeste quand même. Ouais. En France, on fait des tournées à guichet fermé devant un public de connaisseurs qui connaissent bien mes disques et qui manifestent une ferveur d'une autre nature. Mais toi, tu vois pas de différence. Venir ici, entouré d'un petit public, c'est aussi similaire que de se retrouver à l'Olympia de Paris. Absolument, oui. Ouais. Oh, je vois pas de différence, je me prépare pas différemment à monter sur scène. Je prends pas ça plus à la légère parce qu'il y a 40 personnes. Hein. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à me mentaliser, à me dire que tout ça n'est pas bien grave pour jouer devant 3800 personnes. Mais non, je prends les choses toujours avec un certain sérieux de ce point de vue-là. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un de rigoureux, mais par contre, je prends les choses avec un certain sérieux. Enfin, c'est pour moi, c'est ma vie de musicien, quoi. J'ai pas commencé en jouant dans des Olympia remplis, quoi. J'ai commencé à 14 ans à jouer dans des bars en Bretagne, devant des ivrognes. Je l'étais moi-même, d'ailleurs. J'ai travaillé à travailler pour un travail. J'ai travaillé à travailler dans un travail. Toute une journée j'ai travaillé, toute une nuit j'ai travaillé, toute une vie j'ai travaillé dans un travail. Chien, camarade, chien, camarade, chien. Derrière cette église, je supplie qu'importe le temple, je maudis. Parfois je supplie. Immobile, je maudis. En mouvement, je maudis. En marchant, simplement, je supplie en marchant. Chien, camarade, camarade, chien, chien, camarade, chien, chien, chien, camarade. Camarade. Sur CKRL-MF, le 89 à Québec, avec Reynald Dunn. Thank you. La route s'arrête soudain. Au-delà de là, plus rien. Pas une empreinte de pas, plus rien. Quel tour m'as-tu joué? Ça va, ça va, ça va, ça va. salut. dire. La dernière fois qu'on nage, une chose est sûre, me dit toujours Peggy, on ne le sait pas. La dernière fois qu'on nage, une chose est sûre, me dit toujours Peggy, ne le sais pas. Ça vaut mieux comme ça. On nage, on ne craint rien. Ça vaut mieux comme ça. On nage, on ne pense à rien. Oh oh oh oh oh. Nage tranquille, loin de soucis, par un bel après-midi. On nage tranquille, la dernière fois qu'on nage, dans les reflets d'argent, chaque chose a sa place, dans les reflets d'argent. La dernière fois qu'on nage, une chose sûre, me dit toujours Peggy, on ne le sait pas. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. de vouloir songer moins au plus beau de ces fables, choses inoubliables. Tout le jour, tes délices, j'en rougirai toujours. Tour à tour, tes délices. C'est simple, ça me berce, j'aime bien. Je pense à toi depuis chez moi. Avant même qu'il en soit question, quand je comptais les moutons, ils se mettaient souvent en volage, à sauter par-dessus le tage. Alors je les imitais, puis manquant de prendre l'eau, me tirais jusqu'à la rive, une langue d'effluves de Porto. J'ai le sucre au bord des lèvres, le rubis au creux du ventre, un petit creux aussi c'est vrai. Dîner de sardines me dirait, sur un lit de tomates vertes, le vent du soir boisé, eucalyptus. Porto, malgré mon très jeune âge, voici ma demande en mariage. Me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai à tes abords que tu sois prête. Porto, malgré mon très jeune âge, voici ma demande en mariage. Me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai tes apports que tu sois prête. Mon corps et mon cœur demandent encore à chaque heure que je m'en aille flâner dans tes jardins, les mains sous l'eau de leur fontaine. Que je m'étonne encore du courage des pêcheurs et de leur barque aux voyantes couleurs sur le rose pâle de l'eau. Petite farandole de fleurs blanches écume à leur sillage, me voilà parti à la nage, partagé sur un bateau un verre de vieux vin de Porto. Malgré mon très jeune âge, voici ma demande en mariage. Me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus tôt des peut-être, et j'attendrai tes apports que tu sois prête. Porto, malgré mon très jeune âge, voici ma demande en mariage. Me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus tôt des peut-être, et j'attendrai tes apports, j'attendrai. Partager sur un bateau un verre de vieux vin de Porto. j'ai joué dans les cafés, hein, bistrot. Et puis, dans toutes sortes de situations, je les connais toutes les situations de la vie de musicien. Alors, c'est une école en soi aussi. Ah, bah ouais, ouais, c'est quelque chose d'assez... Je ne vais pas faire mon vieux grigou, mais bon, je connais la chanson. Ouais, tu connais la chanson, oui. Non, alors, tu te sens à l'aise quand même. Là, tu as fait des écoles en chantant dans les bars, en chantant avec un public qui n'était pas là pour t'écouter, surtout, qui était là pour prendre un verre, et toi t'arrives et t'essayes d'attirer vers toi, ou tu fais juste ta chanson, quoi, puis t'essayes de... Non, je vais parfois essayer de les... J'ai quand même été... j'ai pas été le musicien au fond de la salle qui attend que ça se passe. Non. J'ai toujours essayé d'aller chercher le public, même parfois en le choquant, c'est faux. Oui, c'est ça, pour les faire réagir. En réagissant, on change un peu de... Ah oui. On vire un peu sur le 1-17, comme on dit. Ah oui. Ouais. Moi, quand je vais voir un concert, j'essaie d'être présent pour les artistes, que ça me plaise ou pas. Et toi, quand tu vas voir un concert, es-tu déjà à participer ou si t'es assis, les bras croisés? Non, c'est ce que je viens de dire. Okay, excuse-moi. Quand je vais voir un concert... j'essaye de me rendre présent pour les artistes qui sont sur scène. Ok, parce que tu sais que c'est beaucoup de travail. Ouais, que ça me plaise ou que ça me plaise pas. Je pense qu'en manifestant de l'attention, je ne pourrais risquer qu'une chose, c'est de les rendre meilleurs. Parce que l'énergie qu'elle soit... Bah, c'est assez dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Mais toi, après un spectacle, est-ce que tu lis beaucoup, comme disait Bertrand Cantat, lui, sur scène, à une certaine époque, c'était de l'énergie qui tirait à la foule. Qui tirait à la foule, c'est-à-dire qui tirait de la foule? Ben non, lui, il disait que lorsqu'il faisait ses spectacles, c'était de l'énergie à l'état pur, et le public lui envoyait rien, donc il sortait de la scène épuisé. Et il disait qu'il pouvait pas faire, 250 concerts en une année, parce que, bon, c'était pour lui... Personne ne peut faire 250 concerts en une année. Non, il faut vraiment être un peu cinglé. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur la passion dont Bertrand Cantat faisait ses concerts, j'en sais rien. Mais toi, est-ce que tu trouves que le public envoie aussi de l'énergie? Bien sûr. Ok. Mais dans les concerts de Noir Désir aussi, le public envoyait de l'énergie. Ouais, évidemment, ouais. Énormément d'énergie. Donc voilà, la façon qu'il avait de vivre ça, personnellement, je remets pas en cause, c'est lui qui le sait. Ouais. Mais par contre, c'est faux de penser que le public donnait pas d'énergie. C'est pas peut-être qu'il était pas là pour la réception d'énergie. Il la recevait, mais c'est ça qui le vidait, c'est ça, je pense. C'est ça qui l'épuisait, je pense. Ça. Et puis toi, dans ton travail de créateur, est-ce qu'à chaque fois tu veux créer un autre style ou tu veux suivre un chemin qui est déjà là? Créer un autre style, c'est-à-dire créer un autre style pour la planète? Allons-y pour la planète, là, mais pour toi, avant tout pour toi, puis après ça, mais si la planète veut... Non, j'ai pas de... J'ai pas de projet, j'ai pas balisé les choses. Tout ce que je veux, c'est continuer à faire ce que j'aime avec quelque chose qui m'a toujours été cher, c'est la considération pour les gens en général et pour le public aussi. Mais j'essaye pas de flatter qui que ce soit, quoi. J'essaye de me faire plaisir aussi beaucoup. Ah ouais, parce que quand même, c'est toi qui fais le spectacle. Tu veux quand même essayer de te sentir à l'aise et bien dans ce que tu fais. Ouais, j'ai besoin d'en tirer du plaisir, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Est-ce que c'est en sortant de scène, on a presque touché au sujet. Mais après ça, je vais te laisser aller sur scène pour pratiquer, parce que quand même... est-ce que tu te sens vidé après un show ou au contraire, là, tu te sens comme prêt pour une soirée? Quand je fais un concert comme celui qu'on donne en tournée habituellement, d'une heure et demie, une heure trois quarts, j'ai pas mal en général transpiré. Ouais. Je sors de scène, je suis bien KO, quoi. Ouais. Mais quand on est en festival l'été, dans des scènes où on joue une heure, bon là je sors, je suis excité comme une puce. J'ai pas eu assez, quoi. Okay, il manque vraiment quelque chose. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est venir inviter dans une soirée à chanter une chanson ou deux, quoi. Ouais. Là, je déteste ça. Ouais. Je tourne en rond comme un lion en cage dans les loges en attendant mon tour. Tu montes sur scène, t'es sorti trois minutes après, t'as rien vu passer. Là, c'est terrible. Il n'y a pas vraiment d'univers qui s'est créé en une chanson. Donc, ouais, enfin, tu fais ta petite chanson et tu t'en vas. Non, mais tu peux réussir à créer un univers quand même. Ouais. Mais... Mais dans ces cas-là, je rentre chez moi après. Ok. Je reste pas dans les loges à attendre que tout le monde vienne boire son champagne. Ouais. Me tire, je suis trop énervé, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est ça. C'est une frustration aussi, là. Ouais. C'est une frustration. Ouais. Eh bien, là, tu vas faire encore quelques concerts. T'en fais un ici à Québec aujourd'hui. Après ça, t'en fais deux autres et tu retournes à Paris parce que le 4, t'as un concert à Paris. Ouais. Ouais. Ouais. Est-ce que le décalage horaire pour toi, c'est difficile, c'est dur? Non, ça a été là. Ouais, j'y pense pas. Non, ça va. Je suis en forme, je suis en bonne santé, je me sens plutôt vaillant par rapport à ces trucs-là. Est-ce que tu t'entraînes pour. Est-ce que tu fais du sport ou tu t'embarrasses éperdument et... Non, je fais pas de sport, non. Non. Je fais pas de sport, mais d'une certaine façon, je prends soin de moi quand même. Ouais. Ben, en montant sur scène, c'est du sport. Ah, ouais, sans doute. C'est comme un boxeur sur le ring. Tu proposes quelque chose et. Ouais, c'est un peu plus kung-fu, mon style. Ah oui, kung-fu, comme ma sœur, oui. Ah ben, Bertrand, merci d'être passé à mon émission. Avec plaisir. Écoute, je serai là. Ouais. Parmi les 40 et quelques personnes. Ah, j'espère qu'il y en aura plus. Ben oui, ben le bouche à oreille. Hein. Puis CKRL va en parler aujourd'hui. Là. Il y a une émission, le retour à la maison. Ben oui. Parce que moi, je ne fais jamais moi-même de publicité. Tu vois. Okay. Là, moi, je ne vais pas aller sur Facebook dire « Salut, je joue ce soir, vous êtes nombreux. » Non, mais je crois que les fans vont le faire. Ah, ce serait cool. Moi, je le fais en tout cas. Ce serait cool qu'il y ait du monde ce soir. Est-ce que je peux prendre des photos pour le site internet? On prend une petite photo, oui. Ouais. J'ai l'appareil, c'est un Nikon. Comme ça, je vais te laisser pratiquer parce que. Ouais, je vais aller fumer une clope et puis après je vais aller. Tu es un gros fumeur? Non, mais ancien. Est-ce que ça aide pour la voix? Bah, j'en sais rien. Je ne pose pas cette question. Parce que Leonard Cohen disait que du bon vin rouge, ça plaçait la voix. Puis, Ah, mais Leonard Cohen. Ouais, c'est Leonard Cohen, hein? Tu sais, il avait une belle voix, non? Extraordinaire, effectivement. On ne saura jamais à quoi il la tient vraiment. À quoi il a cette belle voix? Ben, il disait au vin rouge. Ouais, effectivement. On peut dire bien des choses. Il n'y a pas tout ça dans sa voix, il y a tout ce charme, l'intelligence. Puis sa poésie aussi. Ça date de l'enfance. Est-ce qu'on la prend ici, la photo? Ben, j'aimerais ça. Sur scène, on va faire quelques-uns. Je vais te rejoindre. Ben, veux-tu amener ton cellulaire? Non. Ah non? Ah. Elle est partie. C'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête. Elle est partie. C'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre. Le ciel est noir d'oiseaux. La vérité nue, la vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. La vague là, gueule. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague d'âme, oh, c'est chouka. Un vague d'âme, oh, c'est chouka. Comme le jour s'abîme, demeure